Chapitre 222. Le mérite de se hâter dans la rupture du jeûne, ce qu'on y mange et l'invocation qui la suit. 1233. Selon Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Les gens ne cesseront d'être sur le bon chemin tant qu'ils se hâteront de rompre le jeûne. » Al-Bukhari et Muslim. 1234. Abu Atiyya rapporte ceci. J'ai un jour rendu visite, accompagné de Masruq, à Aisha, radiyallahu anha. Ce dernier lui dit, il y a deux compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne manquent jamais l'occasion d'accomplir une bonne action. Mais l'un d'eux se hâte d'accomplir le maghrib et de rompre son jeûne, tandis que l'autre s'attarde. Qui est celui qui s'empresse d'accomplir le maghrib et de rompre son jeûne? Demanda-t-elle. C'est Abdullah, c'est-à-dire Ibn Mas'ud, répondit-il. C'est ainsi qu'agissait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, conclut-elle. Muslim. 1235. Selon Abu Hurayra, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, Allah, azza wa jal, dit, celui de mes serviteurs que j'aime le plus est celui qui est le plus prompt à rompre son jeûne. At-Tirmidhi a dit, Hadith Hassan. 1236. D'après Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Lorsque la nuit arrive de ce côté, l'est, que le jour se retire de ce côté, l'ouest, et que le soleil se couche, le jeûneur a rompu son jeûne. Ou bien, il est temps de rompre le jeûne. » Al-Bukhari et Muslim. 1237. Abu Ibrahim Abdullah ibn Abi Awfa, radiyallahu anhuma, a dit « Nous étions en voyage avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui jeûnait. Quand le soleil disparut à l'horizon, il dit à un homme « Descends et mélange le sawiq avec l'eau. » Le sawiq, farine fine de froment ou d'orge. « Ô messager d'Allah, si nous attendions, » proposa l'homme. « Descends et mélange le sawiq avec l'eau, » reprit le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. « Mais il fait encore jour » s'exclama-t-il. « Descends et mélange le sawiq avec l'eau » ordonna pour la troisième fois le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, à l'homme qui prépara finalement le mélange en question. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, but de cette préparation avant d'ajouter « Lorsque vous voyez la nuit arriver de ce côté, indiquant l'est de la main, il est temps pour le jeûneur de rompre son jeûne. » Al-Bukhari et Muslim. 1238. D'après Salman ibn Amir al-Dabbi, l'un des compagnons, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Que l'un d'entre vous rompe son jeûne en mangeant une date. S'il n'en trouve pas, qu'il le rompe en buvant de l'eau, car elle est purifiante. » Abu Dawud et At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan Sahih. » 1239. Anas radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam avait l'habitude de rompre son jeûne avant de prier avec des dattes fraîches et à défaut avec des dattes sèches. Et s'il ne trouvait rien de tout cela, alors il buvait quelques gorgées d'eau. Abu Dawud et At-Tirmidhi a dit Hadith Hassan. 1240.